séminaire. Les non-dupes errent du 9 avril 1974 au Panthéon. Bon, aujourd'hui... Aujourd'hui, pour des raisons ça, de choix personnel, je vais partir d'une question. Question, bien sûr, que je ne pose que de croire au moins que la réponse est là. C'est un bateau, vous savez. Et cette question, c'est qu'est-ce que... Est-ce que Lacan, ici présent, a inventé? Vous savez que ce mot « inventer », je l'ai mis en avant. Les faire connaître, si je puis dire, par vous, apparemment tout au moins, de le lier à ce qu'il nécessite, c'est-à-dire le savoir. Le savoir s'invente. Et je dis, ce dont me semble assez bien témoigner l'histoire de la science. Alors, qu'est-ce que j'ai inventé, moi? Ça ne veut pas dire tout que je fasse partie de l'histoire de la science, puisque mon départ est autre, qu'il est celui de l'expérience analytique. Quoi? Je répondrai, puisque j'ai entendu, j'ai déjà la réponse, je répondrai comme ça pour mettre les choses en train. L'objet pieta. C'est évident que je ne peux pas ajouter l'objet pieta par exemple. Ça se touche tout de suite. C'est pas, entre autres, que j'ai inventé l'objet pieta, entre autres machin, comme certains s'imaginent. Parce que l'objet pieta est solidaire. Est solidaire, tout au moins au départ, du graphe. Du graphe, vous savez peut-être ce que c'est. Je suis même pas sûr. En face d'un triangle. Forme comme ça, hein. Avec deux machins qui traversent. Et bien, ça. Je dis ça parce que quand nous en sommes, c'est nécessaire. Du graphe, donc, dont il a une détermination et... Nommément, au point où la question se pose, qu'est-ce que c'est que le désir, ce désir et le désir de l'autre? Enfin, c'est là que c'est sorti. Ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'il ne soit pas ailleurs. Il est ailleurs aussi. Il est aussi dans le schéma, dit schéma L. Puis il est aussi dans les quadripodes des discours à quoi j'ai cru pouvoir faire place, enfin, il y a quelques années. Et puis, qui sait, hein, peut-être est-il question qu'il vienne se mettre à la place X dans les déjà célèbres formes quantiques que j'appellerai aujourd'hui, comme ça, puisque en me réveillant ce matin, j'ai écrit quelques notes, que j'appellerai de la sexuation. Et... que j'y étais en prenant ces notes, il m'est surgi ceci qui... Donc c'est curieux, enfin, que je n'entende jamais les échos, n'est-ce pas? Évidemment, même à Rome, où j'ai été faire un petit tour, on a entendu parler de ces formules quantiques qui se trouvent déjà une assez bonne diffusion. Et on m'a posé des questions, à savoir si les formules quantiques, parce qu'elles sont quatre... pourrait bien se situer quelque part d'une façon qui aurait des correspondances avec ces formules des quatre discours. C'est pas forcément un fécond, puisque ce que j'évoque, enfin, c'est que le petit a vienne à la place des X, des formules que j'appelle formules quantiques de la sexuation. Est-ce que j'ai besoin de les réécrire? Ça n'est sûrement pas une idée. Bon, si, que c'est... Il aurait pu m'en revenir quelque chose, si bien sûr ça ne demandait pas un peu de peine. C'est quelque chose que je voudrais vous faire remarquer, c'est que ces formules dites quantiques de la sexuation pourraient s'exprimer autrement. Ça permettrait peut-être d'avancer. Je vais vous en donner ce qui s'en implique. Ça pourrait se dire comme ça. L'être sexué ne s'autorise que de lui-même. C'est en ce sens qu'il a le choix. Je veux dire que ce à quoi on se limite, enfin, pour les classer mâles ou féminins dans l'état civil, enfin, ça n'empêche pas qu'il a le choix. Ça, bien sûr, tout le monde le sait. Il ne s'autorise que de lui-même, j'ajouterais, et de quelques autres. Quel est le statut de ces autres dans l'occasion, si ce n'est que c'est quelque part, je n'aide pas au lieu de l'autre. C'est quelque part qu'il s'agit de bien situer. Savoir où ça s'écrit mes formules quantiques de la sexuation. Parce que je dirais même, je vais assez loin, si je ne les avais pas écrites, est-ce que ça serait aussi vrai que l'être sexué ne s'autorise que de lui-même? Ça paraît difficile de le contester, étant donné qu'on n'a pas attendu que j'écrive les formules Kant de la sexuation, pour qu'il y ait une sérieuse lampée de gens qu'on épingle de l'homosexualité, ni d'un côté ni de l'autre. Ce serait donc incontestablement vrai, ce n'est que chose curieuse. Enfin, il semble qu'encore que ça soit étalé depuis le commencement des siècles, on ait mis un temps juste à l'épingler de ces termes comme par hasard impropres, de ces termes d'homex, par exemple. Curieux que je puisse les dire impropres, c'est impropre tout à fait comme nomination. Hein. Bien avant, on n'avait pas ces termes-là. Enfin, on appelait ça, par exemple, pour un côté, et le fait qu'on les distinguât de façon sérieuse, qu'elle leur donne une place différente sur la carte géographique, est déjà suffisamment indicatif. Enfin, on appelait ça, pour un côté, des sodomies. Sumus enim sodomite, écrivait un prince, je crois, c'est lui-même de la famille Condé. Sumus enim sodomite, igne tantum perituri. Il disait ça pour rassurer ses compagnons au moment où il traversait une rivière. Il ne peut rien nous arriver, on ne va pas se noyer parce que nous sommes igne tantum perituri. Il ne doit périr que par le feu. Donc on est à l'abri. Bon, en attendant, est-ce que il n'aurait pas pu venir à l'idée dans mon école que c'est ça qui équilibre mon dire, que l'analyste ne s'autorise que de lui-même. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il soit tout seul à le décider, comme je viens de vous le faire remarquer. De vous le faire remarquer pour ce qui est de l'être sexué. Je dirais même plus, ce que j'ai écrit dans les formules implique au moins que pour faire l'homme, il faut qu'au moins quelque part soit écrite la formule quantique que j'allais dire, qu'il existe, c'est une écriture, qu'il existe cet X qui dit « n'est pas vrai », que « n'est pas vrai » comme fondement d'exception, que « n'est pas vrai » que « fin », à savoir que ce qui supporte, dans l'écriture, la fonction propositionnelle où nous pouvons écrire ce qu'il en est, ce choix de l'aide sexuée, qu'il n'est pas vrai qu'elle tienne. Que même la condition pour que le choix s'en ait fait positif, c'est-à-dire qu'il y ait de l'homme, c'est qu'il y ait quelque part de la castration. Si je dis donc que l'analyse ne s'autorise que de lui-même, ce qui est quelque chose, enfin, de tellement accablant, enfin, à y penser, que l'analyse est quelque chose qui est sur le mode de d'être nommé à l'analyse sous cette forme qui veut dire, enfin, membre associé, membre titulaire, membre je sais pas quoi. Tout ce que j'ai essayé comme ça, j'ai essayé de faire rire dans un article, en y marquant l'échelon de ce que j'ai appelé les sciences, les petits souliers, voire les béatitudes, être nommé à la béatitude, puisque ce n'est pas quelque chose en soi qui peut faire rire. Ça a fait rire, mais pas très, parce que dans ce temps, quand j'ai écrit ça, ça n'intéressait que les spécialistes. Dieu ne riait guère, ce qu'ils étaient dans le système. Mais ça impliquerait quand même que cette formule que j'ai faite dans une certaine proposition tout à fait axiale, que cette formule reçoive quelques compléments qu'implique, si assurément on ne peut pas être nommé à la psychanalyse, ça ne veut pas dire que n'importe qui se rentrait là-dedans comme un rhinocéros dans la porcelaine, c'est-à-dire sans tenir compte, c'est qu'il faudrait bien que s'inscrive, dans moi j'attends que ça vienne à s'inscrire, parce que c'est pas comme quand j'invente, ce qui préside au choix de l'être sexué. Là, je ne peux pas inventer. Je ne peux pas inventer pour une raison qu'un groupe, c'est réel. Et même, c'est un réel que je ne peux pas inventer, de ce fait que c'est un réel nouvellement émergé. Puisque tant qu'il n'y avait pas de discours analytique, il n'y avait pas du psychanalyste. C'est pour ça que j'ai énoncé qu'il y a du psychanalyste. Donc, par exemple, moi, j'étais le témoignage, et ça ne peut pas vouloir dire pour autant qu'il y a un psychanalyste. C'est une visée proprement hystérique que dire qu'il y en a au moins un, par exemple. Je ne suis pas du tout sur cette pente, n'étant pas de nature dans la psychanalyse. Je suis pas Socrate, par exemple. Où je me situe, nous verrons ça éventuellement, pourquoi pas. Enfin. Mais pour aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'en dire plus long. Donc, il y a des choses au niveau de ce qui émerge de réel sous la forme d'un fonctionnement différent de quoi. De ce qu'il en est, en fin de compte, des lettres. Parce que les lettres, c'est de ça qu'il s'agit, ça que j'ai voulu produire dans le quadripode. Il peut y avoir une façon dont un certain lien établi dans un groupe, il peut y avoir quelque chose de beau et qui conste qu'en une certaine redistribution des lettres. Ça, je peux l'inventer. Mais la façon de donner suite à ce nouvel arrangement de lettres pour et en épingler un discours, Ça se pose une suite, justement. Et pourquoi pas, comme on me l'a demandé à Rome, quand on m'a posé la question de savoir quelle était la liaison des quatre formules quantiques de la sexuation, quelle était leur liaison avec la formule celle-là qu'il s'agit, la forme discours-analytique telle que cru voir d'abord l'avancée. Les branchés, ça serait en données développement, ferait dans une école, la mienne, quoi pas, avec un peu de chance, que dans une école s'articulerait cette fond, dont le choix de l'analyse, le choix de l'être, ne peut que dépendre. Car tout en ne s'autorisant que de lui-même, il ne peut par là que s'autoriser d'autres aussi. Je m'en réduis à Simon, parce que précisément, j'attends que quelque chose s'invente du groupe, sans glisser dans la vieille ornière, celle qu'il résulte. Qu'en raison de vieilles habitudes, contre lesquelles, après tout, on est si peu prémunis que telles font la base du discours universitaire, qu'on est nommé à un titre. Ceci nous pousse, parce que je choisis de pousser, mais vous pousse en même temps, puisque vous m'écoutez, à tenter de presser la liaison qu'il y a entre ce que j'appelle l'inventé du savoir et ce qui s'écrit. Il est tout à fait clair qu'il y a un lien. Il s'agirait, ce lien, de le préciser. Autrement dit, ce qui touche du doigt, s'apercevoir, se poser la question où se situe l'écriture, c'est bien ce dont j'essaie de vous donner depuis longtemps l'indication, en substituant ce que j'ai fait très tôt, en glissant dans l'énoncé que j'ai tenté de donner de fonction et champ de la parole et langage, je n'ai quand même pas intitulé un certain article comme ça, un écrit pivot. Je ne l'ai pas intitulé l'instant fiant dans l'inconscient. Je l'ai intitulé l'instance de la lettre. Et c'est autour de l'être, vous venez peut-être un peu, comme ça, dans la brume, de S, S1, S2, etc., sur S, sur petite S, enfin, c'est autre que tout ceci, impliquant une certaine relation que j'ai épinglée de la métaphore, une autre de la métonymie. C'est autour de ça que je fais tourner un certain nombre de positions qui peuvent être considérées comme un forçage. Je veux dire, de donner une certaine instance, non pas de la lettre, mais de la linguistique. Je vous fais remarquer que la linguistique ne procède pas entre notre science, c'est-à-dire qu'elle ne procède que de l'instance de la lettre, d'où l'instance de la linguistique passe par la lettre pour proposer quelques remarques à ceux qui pratiquent l'analyse. Non, mais je vois bien sûr que je croyais que avec le temps, enfin, c'est surréaliste, pas, quand on me tanne, enfin, quand on écrit sur moi des articles. C'est surréaliste, j'en connaissais un qui survivait alors, c'était Tanzara. Je lui ai refilé l'instance de la lettre. Ça lui a fait ni chaud ni froid. Ça lui a fait ni chaud ni froid, pourquoi? Parce que c'est bien là ce qui démontre ce que je vous ai remarqué. Vous l'avez peut-être entendu. Ah, mon dernier séminaire, c'est de faire remarquer, c'est à voir que, avec tout ce chambard, il savait pas très bien ce que c'est. Mais ça tient le fait que, en somme, ils étaient poètes, comme l'a supposé, même, il est même préférable que le poète sache pas ce fait. C'est ce qui donne à ce fait sa valeur primordiale. Et devant quoi, il n'y a vraiment qu'à courber la tête. Je veux dire que si on peut faire une certaine analogie, une certaine homologie, disons, mais avec pour le mot homo sens approximatif, celui déjà signé tout à l'heure, une certaine homologie entre ce qu'on a comme œuvre de l'art et ce que nous recueillons dans l'expérience analytique. Interpréter l'art, c'est ce que Freud a toujours écarté, toujours répié, ce qu'on appelle psychanalyse de l'art. Enfin, c'est encore plus à écarter que la fameuse psychologie de l'art qui est délirante. De l'art, nous avons à prendre de la graine. À prendre la graine pour autre chose. C'est-à-dire pour nous en faire ce tiers qui n'est pas encore classé, en faire quelque chose qui est à côté à la science par... prendre la graine de l'art, de l'autre. Et j'irai même loin, qui ne peut le faire que dans l'attente de voir à la fin donner sa langue au chat. Ce dont témoigne pour l'expérience analytique, c'est que nous avons affaire, je dirais, à des vérités indomptables. À des vérités indomptables que nous avons à témoigner tant comme telles, parce que ce sont les seuls qui peuvent permettre de définir comment, dans la science, ce qu'il en est du savoir inconscient, comment dans la science se construit ce que j'appellerais un bord. C'est-à-dire ce dont la science même, comme telle, est, faute d'un meilleur mot, je dirais, structurée. Si ce que j'avance pour vous répond à quelque chose, je veux dire que vous m'ayez assez attendu avant de ce que j'ai non, de ce qu'il n'y a pas de rapport sexuel, c'est ça que ça veut dire. Là encore, je souligne que ça ne va pas jusqu'à dire que le peu de réel que nous avons se réduit au nombre, que le peu de réel que nous avons, s'il est si peu, ça tient au fameux, au fait qu'au centre, il y a ce topos qu'on ne peut que boucher avec quoi ? Avec l'imaginaire. Mais ça ne veut pas dire, pour autant, que l'objectita, ça soit de l'imaginaire. Il est un fait que ça s'imagine avec ce qu'on peut. À savoir avec ce qui suce, ce qui se chie, fait le regard, donc le regard réalise. Et puis la voix. Les deux derniers dans le nombre, en tout cas sûrement le dernier, c'est moi qui l'ai ajouté à la liste en tant que ça s'imagine. Mais le fait que ça s'imagine n'ôte rien de la portée de l'objecta en tant que topos. Je veux dire, en tant que squeeze, pour en donner l'image, rien de plus ai-je fait. Pour en donner l'image, il n'a qu'un avantage, que c'est l'image écrite, celle que j'ai donnée dans le nœud borroméen. L'objectita, c'est là que ça se noue. Il y a donc deux faces ici à l'objectita. Une face qui est aussi réel que possible, seulement de ce fait que ça s'écrit. Vous voyez ce que j'essaye de faire. J'essaie de vous situer l'écrit, ça va loin d'avant ça, comme ce bord du réel, situé sur ce bord. Pour, il faut bien vous donner de votre pâture que cette abstraction, comme vous diriez. Car justement, ce qui est là sensible, c'est que ça n'est pas de l'abstraction. C'est dur comme fer. C'est pas une chose pas succulente qu'elle est abstraite. Il est évidemment amusant que j'éprouve là le besoin pour vous, le désir de l'homme étant le désir de l'autre, que j'éprouve là le besoin pour vous d'avoir une petite scansion rigolade. Pour vous faire remarquer que c'est amusant, enfin, une chose, un échantillon, anecdote que je vais donner, c'est pas... C'est assez curieux, par exemple, que le savoir, tant qu'il s'invente, ça se passe comme ça, comme je vais vous dire. Quand Galilée a aperçu certaines de ses inventions, enfin, qui bouleversait tout à fait le savoir concernant le réel céleste, il a pris soin de le noter sous la forme suivante. Il a envoyé à quelques personnes un certain nombre de distiques latins, pas plus de vers, dans lesquels, par lesquels il pouvait en quelque sorte prendre date. Et en prenant un certain nombre de lettres, trois en trois, par exemple, démontrer qu'il avait inventé la chose impossible à faire à avaler à son époque, qu'il l'avait inventée déjà à telle date. Je veux dire que c'était inscrit indiscutablement par la façon même dont il avait fait stick, peu importe par ailleurs le contenu étant bien sûr. On peut dans ce genre... Enfin, écrire n'importe quoi, ça ne fait rien à personne. Tout ce qui intéresse quelqu'un, quand on voit une lettre d'un personnage comme Galilée, c'est pas ce qu'il a voulu dire, on a un autographe. Et la façon dont souvent, en quelque sorte, ce que nous appellerons l'apparente connerie de vers, était inscrite, la date ou telle chose, la chose qu'il s'agissait, à savoir... Sur le ciel, n'est-ce pas, et le principe trajet qu'il offre à voir. Est-ce que l'âge ne s'illustre pas, de façon certes seulement absente, mais vous en avez bien d'autres illustrations, puisque j'ai insisté avec des pieds plombs, il est bien évident que si la logique est ce que dit la science du réel, pas autre chose. Si justement le propre de la logique est en tant que science du réel, c'est justement de faire de la vérité qu'une valeur vide, c'est-à-dire exactement rien du tout, quelque chose dont simplement inscrire que non, non V, c'est F, c'est-à-dire que c'est faux. C'est-à-dire que c'est une façon de traiter la vérité qui n'a aucune espèce de rapport avec ce que nous appelons communément vérité. Cette science du réel, la logique, s'est frayée, n'a pu se frayer qu'à partir du moment où on a pu assez vider des mots de leur sens, on leur substituait une lettre, mais tout simplement la lettre est en quelque sorte inhérente à ce passage au réel. Là, c'est amusant de voir dire que l'écrit était là pour faire preuve. Faire preuve de quoi? Faire preuve de la date de l'invention. Mais en faisant preuve de la date de l'invention, il fait preuve aussi de l'invention elle-même. L'invention, c'est l'écrit. Et ce que nous exigeons dans une logique mathématique, c'est très précisément que rien ne repose de la démonstration que sur une certaine façon de s'imposer à soi-même une combinatoire parfaitement déterminée d'un jeu de lettres. pose là la question. Est-ce que, donc, l'anagramme, puisque c'est de ça qu'il s'agissait dans les vers de Galilée, que l'anagramme, au niveau où le cherche Saussure s'en cassait la tête en prime, est-ce que l'anagramme n'est pas là simplement faire preuve que c'est là la nature de l'écrit, même quand on n'a pas encore l'idée de rien approuver? Est-ce que l'anagramme, au niveau où Saussure s'en interrogeait, et je vois au niveau où dans les vers de Saturnien, on peut retrouver juste le nom de lettres qu'il faut désigner un lieu sans que rien, ciel, ne puisse courir pour savoir si c'était l'intention là du poète d'avoir truffé qu'il avait à écrire, parce que l'écrit déjà fonctionne. L'avoir truffé d'un certain nombre de lettres qui fondent le nom d'un dieu. Est-ce que là, on ne sent pas que même quand il est supporté par rien dont lui se témoigner, il nous faut bien admettre que c'est l'écrit qui supporte. Qu'il y a là une sorte d'entité de l'écrit. Comment traduirons-nous entité? Est-ce que nous la pousserons du côté de l'être ou du côté de l'étant? Est-ce que c'est Ousia ou est-ce que c'est On? Je crois qu'il vaut mieux abandonner cette direction. Et je vous propose quelque chose à son intérêt d'aller dans le même sens que ce que j'avais déjà tracé, comme l'a fait remarquer comme ça un vieux sage du temps où on savait quand même déjà écrire, s'imposait de langage. Ben, une route qui monte, c'est la même que celle qui descend. Alors, je pourrais vous proposer, comme forme de l'écrit, le savoir supposé sujet. Qui est quelque chose qui atteste qu'une formule pareille puisse avoir sa fonction. C'est en tout cas aujourd'hui ce que je trouve de mieux pour vous situer la fonction écrite. Pour ceci, que, à quoi nous a introduit notre question sur l'écrit, Xia Wan, pour situer ceci. Qu'il définit avant tout une certaine fonction du place-bord. Voilà. Il est bien évident, n'est-ce pas, que comme je le souligne comme ça, incidemment, parce que je ne passe pas mon temps à m'expliquer avec les philosophes, il est bien évident que c'est mon matérialisme à moi. Ouais. Je le dis à peine parce que je m'en fous du matérialisme. Ce certain matérialisme, comme ça, qui est là toujours, qui cause ça, abaisse le cul de la matière, ou non, je ne sais si ce serait quelque chose de plus réel que la forme. Enfin, ça, bien sûr, on l'a déjà maudit. On l'a maudit à partir du matériel historique, qui n'est strictement rien d'autre qu'une résurgence de la providence de Bossuet. Oui. En tous les cas, cette matière écrite, comme ça, comme c'est un peu nouveau, enfin, ça mériterait qu'on lui tire un peu sur les tétines pour revenir à notre objectif fondamental. Qu'on l'exploite un peu, tout au moins un temps. Hein? Qu'elle devienne possible, n'est-ce pas, cette exploitation, ça veut dire justement, si vous traduisez les modalités comme je vous ai appris à le faire, ça veut dire que, veut dire que ça cesse de s'écrire. Et pas du tout le contraire. Il faut que ça cesse de s'écrire pour que ça prouve quelque chose. C'est-à-dire que ça ne cesse pas de repartir. Mais justement, c'est là cette scansion, j'essaie de m'aider. C'est une scansion qui est curieuse. Parce que la pulsation que ça implique, à savoir ce que chacun sait, que ne peut être nécessaire que le possible, à savoir ce que je sais s'écrire, et justement ceci ne cesse pas de se répéter, ce qui est là quelque chose que nous avons bien touché dans cette fonction produite génialement par Freud de la répétition. Ça, c'est une chose fondamentale et dont j'essaye, vous l'approche en sens que ça institue un temps de, loin de faire le temps linéaire, ça institue un temps de comme tout à fait fondamental. Et j'irais même qu'à poser la question à ceux qui pourraient m'en dire un peu, ça même serait bien qu'on réponde là-dessus. C'est que apprendre un ensemble de dimensions, l'ensemble, rien de cardinal, mais disons un ensemble fini, comment déterminer sur cet ensemble, pourquoi ne pas imaginer la dimension telle que je la dis, c'est-à-dire là aussi, hein, comment arriver à formuler que si nous partons de l'idée que la fonction du deux dimensions, d'un côté de la surface, mais du cesser et non cesser, comme je viens de vous le dire, est-ce que ce n'est pas là ce qui fait très exactement la portée, l'écrit? Autrement dit, sur un ensemble, si on détermine en bas d'avance, comment trouver ce qui fait fonction surface et ce qui, à mon dire, ferait fonction tant du même coup, ce qui, de toute façon, est très proche du nœud que je vous suggère. J'avais autrefois commis un truc qui s'appelait le temps logique. Et c'est curieux que j'y sois content d'en comprendre. Le temps pour comprendre ce qu'il y a à comprendre. C'est la seule chose dans cette forme que j'ai faite épurée que possible. C'est la seule chose qu'il y avait à comprendre. C'est que le temps pour comprendre ne va pas s'il n'y a pas trois. À savoir ce que j'ai appelé l'instant de voir, puis la chose à comprendre, et puis le moment de conclure. De conclure, comme je crois l'avoir assez suggéré dans cet article, de conclure de travers. Sans quoi, s'il n'y a pas ces trois, il n'y a rien qui motive, qui manifeste avec clarté le deux, à savoir écrite, qui est celle d'un arrêt, d'un cesser et d'un redépart. Grâce à quoi il est évident que ce sont les seuls mouvements convaincants qui ne valent comme preuve, n'est-ce pas, que quand trois personnages, vous savez, il s'agit qu'ils sortent de prison comme par hasard, que ce n'est que dans l'après-coup de l'escance qu'ils peuvent le faire fonctionner comme preuve, c'est-à-dire faire ce qu'il leur est demandé, non pas seulement qu'ils soient sortis, ce mouvement habituel, mais à quoi ils sont identiques, à savoir chacun strictement deux autres. Ils ont le même, la même rondelle noire ou blanche dans le dos. Ils ne peuvent, ce qu'il leur est demandé, en donner l'explication que de ceci, qu'ils ont fait tous le même balai pour sortir. Là, la seule explication, qui est tout à fait charmante, à expliquer en plus bien dedans, c'est que ça ne comporte entre eux aucune espèce d'identité nature que l'illustration, le commentaire en marge que j'en donne, à savoir que c'est comme ça que les êtres imaginent universalité quelconque. Il Il n'y a pas trace dans cet apologue, puisque d'un apologue il s'agit. Il n'y a pas trace dans cet apologue ou un rapport entre les œillets, puisque c'est justement s'il leur est interdit de communiquer entre eux. Ils sont simplement identiques, se distinguent d'avoir ou n'avoir pas un disque blanc ou un disque noir dans le bouche. Je m'excuse d'avoir été long, mais personne n'a jamais écrit. Il doit y en avoir pas mal, et dans ce cas, bien sûr. Définir donc ce qui, dans un ensemble de dimensions, fait du même coup surface et temps, voilà ce que je propose, comme suite de ce que je vous proposais dans logique d'écrit. Oui. Qu'est-ce que je suis, mauvais juge? Quand j'ai répondu que l'objecta, c'était ce que j'avais inventé. Peut-être sûrement, car personne l'a inventé à part moi. Bon. Mais, ouais, je peux être quand même mauvais juge. Et c'est en ça qu'il me passe en rapport avec le Lucia, comme ça, dont je faisais tout à l'heure usage, le chiffon. C'est que si mon schéma du discours analytique est vrai, cet objet-là, je dois le devenir. C'est ce que j'ai à faire advenir. C'est pas le je dans mon cas. C'est-à-dire là, au moment où je suis en vous. C'est le terme. Oui. Cette place de personne est bien entendu, comme le nom personne l'indique, une place de rang à tenir, enfin, n'est-ce pas, de semblant. Il s'agit de tenir le rôle de l'analyste. Et c'est bien en cela que... C'est bien en cela que j'ai avancé un certain quelque chose. C'est que celle qui pose de la question, toujours la même, puis-je l'être, hein. M'autoriser, ça peut encore aller, hein, mais l'être, il ne faut pas faire. Hein. C'est là qu'évidemment se forge ce que j'ai énoncé du verbe d'être. Hein. L'analyste, je le déçuis. L'objectita n'a pas d'être. J'ai suffisamment insisté en ce temps sur ce dont le psychanalyste jubile, de savoir cette face, ce sport, ce pathétisme de l'objectita quand il prend la forme d'échec. Insistez-vous un jour, je me suis pointé à Bordeaux, et je leur ai expliqué que la cisation, c'était le goût, qu'il n'y en a strictement qu'une espèce de trace, c'est même quelque chose bien étrange. Il faut s'y appliquer, parce qu'on ne sache pas que nos animistes encombrent la terre de leur richesse, alors qu'il est tout à fait singulier que tout ce que fait l'homme finit toujours dans le déchet. Une seule chose, garde vérité, c'est les ruines. Sortez quand même un tout peu de vos, n'est-ce pas, de coquilles, d'apercevoir du nombre d'autos à la casse qui s'empilent dans des endroits et vous apercevoir que partout le pied, vous mettez le pied sur quelque chose qui, où on a essayé de toute façon de recomprimer d'anciens déchets pour ne pas en être submergé, littéralement. Oui. C'est une affaire, ça. C'est toute l'affaire de l'organisation. De l'organisation imaginaire, ça veut dire. Simuler avec la foule, parce que c'est l'autre face que j'ai appelé tout à l'heure, le choix, le groupe. Simuler avec la foule, et on a toujours affaire à ça, recueillir un groupe. Simuler avec la foule, quelque chose qui fonctionne comme un corps. Bon, mais enfin, cet objectita, quand même. Quelle est-ce la face de ce qui vous intéresse? Non pas quand je l'écris, parce que je l'écris le moins que je peux. J'ai trop le sens et responsabilité pour que cet écrit, je lui laisse pas sa chance que ça cesse, pour que si ça ne cesse pas, ça fasse sa preuve. Mais là, quand j'aspire, qu'est-ce qui vous intéresse de ce tas dont je parle? Il y a quelque chose qui, qui peut bien me venir à la tête, parce que c'est comme tout le reste. Hein. J'invente qui est savoir. Mais pour ce qui est de la vérité, j'invente pas. Hein. La vérité, on me l'a déjà entier. Et là, il y a un devoir. Pas il y a combien de temps? Je voudrais pas qu'on connaisse. Il est venu. Que s'il fallait de ma voix. C'était pas une voix pour un vote, hein? Non, non. C'était la voix. Non, mais c'est une question très sérieuse pour moi. Est-ce que c'est la voix? Parce qu'il y a des temps qu'il y a là quelque chose. C'est pas une question de timbre. Si l'objecta est ce que je dis, faut pas confondre la phonétique et le phonème. La voix se définit d'autre chose que s'écrire. Et sur une bande magnétique, il y en a tant qui s'en régalent. Ça n'a rien à faire avec ça. La voix peut être strictement la scansion avec laquelle tout ça je vous le raconte. Je suis persuadé qu'il y a là une source de votre accumulation dans cette enceinte accumulation aujourd'hui descend. Il y a quelque chose ça qui est autant que je mets à dire les choses puisque l'objecta est lié à cette dimension du temps. C'est complètement distinct de ce qu'il en est du dire. Le dire, c'est pas la voix. Et être aimé, puisque vous m'aimez, bien entendu, être aimé pour l'un ou pour l'autre, c'est pas du tout pareil. Le dire que l'objet ptita comporte, c'est toutes sortes de choses que j'ai couchées par écrit. Hein. Version du jet, et dialectique désir, et patata. Bon, ça c'est sur un tout autre chemin, n'est-ce pas, que l'exécution de la voix. C'est-à-dire comme ça, d'un miage, c'est qu'un lire pathique. N'est-ce pas, de son coinçage dans toute l'affaire. Par contre, le dire, c'est pas l'écrit non plus. Hein. Ouais. Le dire, c'est pas l'écrit non plus. Il suffit pas d'avoir quelque chose à dire pour être foutu d'en savoir long. C'est une distinction, n'est-ce pas, que j'aimerais beaucoup que vous m'aidiez dans vos têtes. Oui. Même sur ce qu'il en est de la vérité, n'est-ce pas? Il y a lieu de savoir. Il y a lieu de savoir en tant qu'il s'agit tout temps, n'est-ce pas, d'inventer, n'est-ce pas, pour répondre à son tissu de contradiction à la vérité. Hein. C'est bien pour ça que le premier pas à faire, c'est de la suivre dans toutes ses simagrées. Hein. Il ne s'agit pas simplement de ceci, n'est-ce pas, que le mensonge en fait partie, j'ai assez insisté, n'est-ce pas. Mais il faut voir ce qu'elle est capable de vous faire faire. Hein. La vérité, mes bons amis, mène à la religion. Vous n'entendez jamais rien de ce que je vous dis, ce truc-là, parce que j'ai l'air de ricaner, n'est-ce pas, quand j'en parle, de la religion. Mais je ricane pas, je grince. Elle mène à la religion et à la vraie, comme je l'ai dit déjà. Et comme c'est la vraie, c'est justement pour ça qu'il y aurait quelque chose à retirer pour le savoir, c'est-à-dire inventer. Ben, vous n'êtes pas foutu de le faire. C'est pas demain que vous en viendrez à bout, parce que dans tout ça, vous ne mettez absolument aucun sérieux. Il est évident, n'est-ce pas, que ceux qui ont inventé les plus beaux trucs du savoir, je les nomme, hein, c'est un palmarès, Pascal, Leibniz et Newton. Newton, enfin, est-ce que vous vous rendez compte de ce que Newton a écrit sur le livre de Daniel et sur l'Apocalypse de Saint Jean? Vous n'avez jamais regardé ça, bien sûr, parce qu'on ne vous le donne pas en livre de poche, mais je le regrette. Je ne vous reproche pas non plus pas être allé le chercher. Il faudrait faire un livre de poche avec ça. Bien traduit. Il y croyait, dur comme fer, à la religion. Et les deux autres, il me semble que c'est difficile de rentrer à l'aidance. Ils parlent que de ça. Il y a même que ça qu'ils adressent. Quand on va, il faut que j'aille chercher au milieu d'une montagne d'adresses au curé de Paris. Ce que Pascal a écrit sur la cycloïde, de ces pas qui ont fait qu'on a inventé rien d'autre, le calcul intégral. Est-ce que vous vous imaginez que le calcul intégral, c'est autre chose que de l'écriture? La parabole d'où c'est parti, la parabole, je parle de la parabole tracée, la parabole de n'importe quelle autre, lunule ou trucmuche ou machin, c'est des choses écrites. Il n'y a que là de toute chose qu'il en est du réel. Ben, ils étaient passés, fascinés, ces trois-là, hein, le vrai. Le vrai de la vraie. La voie à suivre, c'est d'en mettre. Si vous n'interrogez pas comme il convient le vrai de la Trinité, ben vous êtes fait. Vous êtes fait comme des rats, comme l'homme aux rats. Il est évident quand même. Moi, j'en reviens d'allumer là. Je suis là, dans un bain de corps qui recèle tous les murs. Il n'y a que ça. Il y a des tableaux à s'en étouffer. Enfin, c'est d'ailleurs un fait que moi, je ne sais pas pourquoi je ferais pro-pudeur devant ce ruban des corps. Enfin, ça donne quand même sa limite au machin. Ça montre quand même qu'on est dans la vérité. Et qu'on y reste, qu'on n'en sort pas. Ce qu'il faudrait s'agirait, c'est d'en sortir de la vérité. Alors là, je vois pas d'autre moyen que d'inventer. Pour inventer de la bonne façon, de la façon analytique, ben, c'est d'en remettre, d'abonder dans ce sens. Oui. Oui, il n'y a qu'une seule chose qui est tout de même bien embêtante sur laquelle je voudrais terminer. C'est pour un hasard que ce soit dans mes élèves, une femme, elle est faite comme ça, celle-là, qui a fait comme ça tout un jasminage sur le désir de savoir. C'est certainement pas chez moi qu'elle l'a pris. Je n'ai jamais même suggéré un machin pareil. Oui. Il n'y a pas long de savoir. Mis à part ceci. Sur quoi je m'interroge, sur quoi je n'ai rien à dire, parce que je ne sais rien. C'est qu'il y a les mathématiques qui ne peuvent procéder, me semble-t-il, à moins que ce soit un fait de l'inconscient qui ne produit pas le moins des idées. Mais c'est quand même curieux de voir que la mathématique, ça se continue. On s'imagine qu'il y a chez de votre espèce, enfin, c'est-à-dire que les mathématiciens, ils sont, je pense qu'il n'y en a peut-être pas deux dans cette salle. Bon, enfin, je parle de vrai, de mordu. Il n'y a pas le moindre désir de savoir. Il n'y a pas le moindre désir d'inventer le savoir. Enfin, il y a un désir de savoir attribué à l'autre. Ça se voit. C'est comme ça que surgissent les manifestations de complaisance, pas que donne l'enfant dans ses proies. Tout ce qu'il pose comme question, enfin, c'est fait pour satisfaire à ce qu'il suppose que l'autre voudrait qu'il mente. Ouais. C'est pas tous les enfants, hein. C'est pas tous les enfants, parce que je vais vous faire une petite chose. Il faut bien que de temps en temps, je vous donne une petite chose à vous mettre sous la dent. Cette chose attribuée à l'autre, ça s'accompagne très souvent d'un très peu de moi. Et très peu pour moi, un très peu de moi dont l'enfant donne la preuve, sous cette forme à laquelle je suis sûr que vous n'avez pas changé, comme vous savez, moi aussi j'en apprends tous les jours, enfin, je m'éduque. Je m'éduque, bien sûr, naturellement, dans la liste qui me plaît. dans la liste que j'invente, forcément. Mais enfin, la nourriture ne me manque pas. Et si vous saviez, comme je le sais, à quel point ce que j'ai déjà illustré de l'anorexie mentale, en faisant énoncer par cette action, car une action est non, je mange rien. Mais pourquoi est-ce que je mange rien? Ça, vous ne voulez pas demander. Mais si vous le demandez aux anorexiques, plutôt sire, moi je l'ai demandé. Je l'ai demandé parce que j'étais déjà dans ma petite veine d'invention sur ce sujet. Je l'ai demandé alors. Tu m'en réponds, c'est très clair. Elle était tellement préoccupée de savoir si elle ment. Que pour décourager savoir, ça désir savoir, ben, rien que pour ça, ce serait laisser crever de faim la gosse. C'est très important cette dimension du savoir et aussi de s'apercevoir que c'est pas le désir qui préside au savoir, c'est l'horreur. Oui, vous me direz qu'il y a des gens qui travaillent comme ça, à obtenir l'agrégation. Mais ça, vous comprenez, ça n'a rien à faire avec le désir de savoir. Ça, c'est un désir qui, si je puis dire, comme toujours, est le désir de l'autre. Et j'ai déjà expliqué que l'autre désire, bien sûr, enfin, on tombe sous le coup, le désir de l'homme et de l'autre, oui. Mais c'est plus ou moins compliqué, le circuit. Il y a le désir de l'autre qui se communique de plein pied parce qu'il nage déjà dans l'autre. Il y a l'hystérique. Ça, l'hystérique, c'est une autre affaire. Il faudra que je reprenne mon schéma, n'est-ce pas, pour montrer la place exacte que tient le savoir, n'est-ce pas, pour dire, c'est un savoir particulièrement spécifique. Hein. Un savoir... Elle ramasse le machin. Ouais. C'est un savoir qui mène pas loin. C'est un savoir qui pour nous en tenir à l'origine, c'est un savoir qui est très souvent non pas produit par le dire de l'autre, mais refilé. Je veux dire que je peux très bien qu'une personne, n'avait pas le moindre désir de rien savoir de quoi que ce soit, ne pas même se soit aperçu que dans la société, le cours universitaire assure à ceux qui savent une bonne place, qu'elle refile à la gosse, là, la moutarde, qui est hystérique, et justement pour ça, qui lui refile que c'est un moyen de l'absence. Naturellement, elle reçoit le truc, elle, sans savoir que c'est ça, leur soi d'un petit enfant. Et là, c'est un cas de transition assez fréquent, du désir de savoir. Mais c'est quelque chose de tout à fait secondairement acquis. En d'autres termes, ce que j'essaye dans la tête et à cause de l'enfant, qui naturellement parle de ses poids, de quoi qui concerne pourquoi ces enfants naissent, quand ça se fait, etc. Et tout ce qu'ils veulent, c'est entendre quelque chose qui a fait plaisir, qui a montré qu'ils font tout comme s'y intéressaient, mais dès qu'ils le savent, ils leur foulent, vous le savez bien. Ils leur foulent immédiatement, ils n'y pensent plus. Il faut tout de même avoir un petit côté un peu plus clair de ce qui passe réellement. Ce désir de savoir, tant qu'il danse, en ce temps du groupe social. À la vérité, je n'irai pas à me contenter de cette réponse pour ce qui est de l'invention mathématique. Il est en fait clair qu'il y a des morts. Ben, je veux dire que ce n'était pas une façon de se faire valoir à la Sorbonne que de résoudre les problèmes de la cycloïde, qu'il y avait comme ça, tant miraculeux, tant que je voudrais voir se reproduire, n'est-ce pas, sous la forme des psychanalystes, je voudrais voir reproduire cette espèce de république, n'est-ce pas, qui sait que Pascal correspondait avec Fermat, avec Robert Val, avec Carcavi, avec tas de gens, n'est-ce pas, qui étaient tous entre eux, pour ceci, on ne sait pas quoi c'était produit, voudrait un jour tirer de l'histoire, on ne sait pas quoi c'était produit, qui sait que qui avait des gens qui désiraient en savoir à propos des choses. Présente ça, mais rien que le fait qu'ils aient été mordus par ça, qui croyaient-le, à ce moment-là, ne rapportait rien auprès d'aucun seigneur, qui leur faisait leur rétage entre eux, leur truc strictement entre eux, n'est-ce pas? Sortez pas de là. Bien sûr, de là est sortie votre télévision, grâce à quoi vous êtes définitivement abruti. Mais enfin, ils le faisaient pas pour ça. Ils ont fourni à l'objectita, bien sûr. Mais justement, c'était sans le savoir. Mais ils ont quand même d'autant mieux réalisé que l'objectita, c'est-à-dire ce dont c'est étouffé. Ils l'ont d'autant mieux réalisé que sans savoir où ils allaient, ils sont passés par la structure que je vous dis de savoir ce bord du réel.